Retraite de méditation Vipassana 2001, 9e jour. Hier, le Vénérable Sayadaw nous a expliqué que pour pouvoir observer et noter les différents objets qui se manifestent de façon prédominante à la conscience, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est nécessaire de disposer d'un esprit alerte, actif, énergique et déterminé. Si on possède cette énergie, cette vivacité d'esprit et cette détermination, il sera possible d'atteindre la cible. L'attention pourra pénétrer l'objet et s'y enfoncer. Le méditant sera également capable de garder l'objet en vue, de ne pas le perdre de vue. L'esprit sera face à face avec l'objet, en confrontation directe avec lui. Cette confrontation directe avec l'objet est la manifestation de l'attention. Tirasanya, c'est la cause immédiate pour l'attention. C'est une forte perception. Sanya, la perception, a la capacité d'enregistrer l'objet. En observant et en notant les objets de cette façon, le méditant va induire la concentration et plus spécialement Kanika Samadhi, la concentration momentanée. En présence de Viriya, l'énergie, la ligne de conduite positive, ou pour l'exprimer autrement, le comportement qui mène aux états d'esprit positifs, ce chemin des actions positives va s'ouvrir et celui des actions négatives, la ligne de conduite négative, Akusala Kamapata, sera bloquée, sera fermée. L'effort Viriya détient la capacité de ne pas accepter les kilesa, les impuretés mentales. Pour l'exprimer autrement, les impuretés, les akusala ne sont pas autorisées à pénétrer l'esprit. En présence de la concentration, l'esprit va s'unifier. Les impuretés mentales seront calmées, pacifiées. Aujourd'hui, le Vénérable Sayadaw va nous expliquer qu'il est impossible de pratiquer Vipassana sans les jhanas, les absorptions. Il parlera de certains aspects des jhanas. Le terme jhana veut dire contempler, regarder, garder en mémoire, prendre à cœur. Jhana, c'est donc une absorption, mais pas une absorption ordinaire. Elle est qualifiée en pali de jhana upanijhana, ce qui veut dire que cette observation, cette contemplation est très précise. L'objet est contemplé de façon complète, concentrée, précise et sans relâche. Et qu'allons-nous observer? On observe un objet, autrement dit, la cible d'observation, et on le fait de façon très précise, avec concentration, de façon complète et sans relâche. C'est cela la signification de jhana, observer avec jhana. On pourrait comparer cette qualité d'observation à un bâton que l'on piquerait dans le sol. La théorie à propos des jhanas est très complexe. Si le Vénérable Sayadaw devait en expliquer tous les détails, cela vous entraînerait dans une certaine confusion. C'est pourquoi il se limitera à deux aspects des jhanas, Samatha jhana et Vipassana jhana. Samatha jhana, c'est l'observation très précise d'un seul objet. L'attention se limite à un seul objet et elle l'observe avec beaucoup de précision. Quant à Vipassana jhana, le deuxième terme, il s'agit d'une observation constante de différents objets tels qu'ils se manifestent aux six portes sensorielles en essayant de réaliser leurs caractéristiques, leurs fonctions et leurs manifestations respectives. C'est cela Vipassana Jhana. Pour que le méditant puisse se souvenir facilement, le vénérable Sayadaw va expliquer plus en détail trois termes qui se rapportent au jhana. Jhana, jhananga et jhanachitta. Le premier terme, jhana, que l'on traduit par absorption, est en réalité le groupe des facteurs jhaniques, vitaka, vichara, piti, sukha et ekagata. Le deuxième terme, jhananga, ce sont les facteurs jhaniques eux-mêmes. Il y en a 5 ou 6 selon la façon dont on compte. Vitaka, viser, appliquer l'esprit à l'objet. Vichara, l'y frotter, maintenir l'esprit sur l'objet. Piti, la joie. Sukha, le bonheur. Ekagata, la fixité de l'esprit. Et dans le jhanas immatériel supérieur, upekka, l'équanimité qui remplace sukha. Il y a donc 5 ou 6 facteurs jhaniques selon la façon dont on compte. Ce sont les jhananga en pali. Le troisième terme, jhana chitta, c'est la conscience associée au jhana. Le vénérable Sayadaw parlera de jhana et de jhananga, il ne parlera pas du troisième terme, jhana chitta. Voyons le premier des jhananga, vitaka. La signification très précise de vitaka, c'est viser, avoir l'intention de quelque chose. Il y a différents termes birmans qui explicitent ce mot de vitaka, et tous ces mots birmans veulent chaque fois dire viser. Un troisième terme birman définit également vitaka, et il veut dire diriger, prendre pour cible. Il y a encore un autre terme birman pour qualifier vitaka, qui veut dire d'une façon concentrée. L'expression complète est donc diriger l'esprit de façon très précise, concentrée, complète et sans relâche vers l'objet. Le deuxième jhananga, vichara ou vichara, a la nature de frotter, de se heurter à l'objet. Le troisième facteur jhanique, piti, a la nature de se réjouir dans l'objet, de faire naître la joie à partir de cet objet. Sukha, le facteur suivant, c'est le bonheur. Quant à upekka, l'équanimité, c'est un facteur jhanique qui a la nature de l'équilibre, de l'équanimité calme et paisible. Le dernier facteur jhanique, ekagata, la fixité de l'esprit, a la nature de la fixité, de la concentration sur l'objet. Il est important que vous compreniez la nature de chacun de ces facteurs jhaniques. Le premier de ces facteurs, vitaka, est tout particulièrement utile et important dans la pratique de satipatthana, la méditation de l'attention. Vitaka est un synonyme de Sammasankappa. Sammasankappa est en général traduit par pensée juste, mais cette traduction de pensée juste pour Sammasankappa n'est pas très précise, elle ne convient pas parfaitement. Car Sammasankappa, ce n'est pas une pensée intentionnelle. Vitaka ou Sammasankappa, c'est viser l'objet, appliquer l'attention à cet objet. Ces deux expressions conviendraient donc mieux. Imaginons que le mouvement de soulèvement de l'abdomen ait lieu. Il devient la cible de vitaka. Vitaka va le viser. Lorsque l'abaissement a lieu, Ce mouvement devient également la cible de Vitaka. Et c'est la même chose pour tous les objets qui se manifestent, que ce soit des objets physiques ou des objets mentaux. Dans tous les cas, il faut que l'esprit s'aligne à l'objet, ou pour l'exprimer autrement, l'esprit et l'objet doivent être sur une même ligne. Pour y arriver, il est nécessaire que le méditant dirige son attention vers l'objet. Lorsqu'on joue aux billes, il faut diriger l'esprit vers la cible. C'est la même chose dans la méditation. Un autre facteur est également indispensable, c'est viriya, l'effort. Viriya a la nature de propulser l'esprit vers l'objet. Cet esprit qui doit être alerte, actif et déterminé. On n'a nullement besoin d'un esprit relâché ou apathique. Dans la pratique de Vipassana, Vitaka et Viriya sont deux facteurs très importants et indispensables. Sans eux, il n'est pas possible d'atteindre l'objet d'observation, par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais en présence de Vitaka et de Viriya, l'esprit atteint l'objet, il s'y frotte, il le heurte. Lorsqu'on dirige la bille vers la cible, elle pourra l'atteindre et s'y frotter. Lorsqu'elle touche la bille et qu'elle s'y frotte, c'est vichara. On voit donc que lorsque Vitaka est présente, vichara l'est forcément. L'esprit touche l'objet et s'y frotte. Ces deux facteurs doivent donc toujours être présents, sans interruption, de façon constante. Il ne faut pas qu'il y ait ne fût-ce qu'une seconde d'inattention. Le méditant qui pratique de cette façon développe les jhanas de vipassana. Le débutant au jeu de billes, celui qui n'a pas encore beaucoup de pratique, n'atteindra pas facilement la cible. Il la ratera souvent. Quand on manque d'expérience, on n'atteint pas souvent le but et on n'a pas encore beaucoup de plaisir à jouer. Mais plus on s'entraîne, plus on devient habile, on réussit souvent ses coups, ce qui fait surgir la joie. Le vénérable Sayado était lui-même un joueur de billes lorsqu'il était jeune et chaque fois qu'il réussissait à atteindre la cible, il faisait des bonds de joie. La joie, piti, va elle-même entraîner sukha, le bonheur. Ce bonheur va faire apparaître tôt ou tard le calme, l'esprit va se pacifier. Si on applique tout ceci à la méditation, on peut dire que lorsque le méditant devient habile dans l'art d'atteindre la cible, piti se manifeste sous forme, par exemple, de sensations de chair de poule ou de frissons. Vient ensuite le bonheur mental. Ces choses se produisent tout naturellement au cours de la pratique. Dès qu'un objet se présente, il faut donc immédiatement aligner l'esprit à cet objet. Il faudra pour cela diriger l'attention vers la cible. Voyons quels sont les avantages qu'il y a à toucher la cible et à s'y frotter. Si on ne fait pas l'effort de diriger l'esprit vers la cible, on perdra tout contrôle sur lui. Au lieu d'avoir un esprit fermement dirigé vers la cible, c'est Kama Vitaka qui va se manifester. Kama Vitaka, ce sont les pensées sensuelles, par exemple, le désir de voir de belles choses, le désir d'entendre des sons harmonieux, le désir de sentir de bons parfums, de goûter des mets délicieux, d'avoir des sensations tactiles agréables ou de penser à des choses agréables. Et lorsque c'est un objet désagréable qui va se présenter, l'aversion va surgir. L'esprit sera envahi par des pensées de malveillance, le désir de tourmenter les autres, des pensées de cruauté. Toutes ces réflexions sont appelées Vyapada Vitaka et Vihimsa Vitaka, les pensées de malveillance et les pensées de cruauté. Mais si on détient Vitaka, le facteur qui consiste à diriger correctement l'esprit vers la cible, Miccha Witaka, les pensées incorrectes dont il vient d'être question ne pourront pas se manifester. Au lieu de penser incorrectement, on pensera correctement, on se libérera, se libérer des pensées sensuelles, des pensées de malveillance et des pensées de cruauté. Un esprit libre de ses pensées incorrectes devient pur, calme et paisible. Si l'esprit est libre des pensées incorrectes pendant une minute, il connaît 60 moments de paix et d'harmonie. Il en connaît 300 en 5 minutes et 3600 en une heure. Mais si l'esprit n'atteint pas la cible, qu'il ne touche pas l'objet, il n'en connaîtra pas la nature précise, il va se mettre à hésiter. Il y aura indécision et doute. Cet état de confusion et d'indécision peut être comparé au fait de vouloir dresser une échelle sur le vide. Si par contre on détient le facteur jhanique de vichara, que l'esprit atteint la cible et s'y frotte, cette hésitation, cette indécision, ce doute ne se manifestera pas. L'esprit est libre de visikicha, le doute. Les débutants sont souvent confrontés à un ennemi interne appelé Mida, la paresse. Un autre mot pour Mida, c'est Dandi. Mida et Dandi sont les ennemis internes les plus intimes du méditant. Lorsqu'on est submergé par ces facteurs, on n'a pas envie de pratiquer, on n'y pense même pas. Et si malgré tout on décide de se mettre à la pratique, on n'aura pas beaucoup d'enthousiasme. Le méditant ne cueillera pas les bénéfices complets de la pratique. C'est pourquoi on peut dire que Mida est l'ennemi interne le plus intime du méditant. Il doit être combattu par son antidote, Vitaka, le fait de diriger l'esprit vers la cible. Si l'esprit n'est pas dirigé vers l'objet d'attention, il va sans dire qu'il ne pourra pas atteindre cet objet et s'y frotter. En conséquence, visikicha, le doute, va se manifester, il y aura indécision et confusion. Mais si l'esprit est bien aligné à l'objet d'observation, cet objet est atteint, l'esprit peut s'y frotter et le doute ne se manifeste pas. Ces deux facteurs jhaniques, vitaka et vichara, sont donc les armes dont dispose le méditant pour lutter efficacement contre la paresse. Dès qu'un objet se manifeste, il doit être noté. L'esprit est dirigé vers lui, il l'atteint et s'y frotte. La paresse et les vues fausses sont les ennemis internes du yogi. Un méditant qui ne réussirait pas à vaincre ses deux ennemis internes n'obtiendra pas de résultat dans sa pratique. Vitaka a également été qualifié de Chetaso Viharawa, ce qui veut dire qui a la capacité d'ouvrir complètement l'esprit, de le rafraîchir. Tinamida, la paresse et la torpeur, contractent l'esprit, ils le rétrécissent. Lorsque l'esprit est contracté, on ne désire pas faire l'effort d'observer, ni de noter les différents objets, on n'a pas d'enthousiasme. L'esprit est rétréci. En présence de Mida, la paresse, l'objet n'est pas observé de façon très active. L'esprit devient visqueux, il se congèle et se solidifie. Comme un morceau de beurre que l'on aurait placé dans le froid, il va progressivement se durcir et se solidifier. Mida, la paresse, dérange fortement la méditation. Mais si l'objet et l'esprit sont bien alignés, que l'esprit est actif, des vaguelettes vont apparaître Dans la conscience, ces vaguelettes mentales provoquées par Vitaka vont avoir pour effet que l'esprit va s'ouvrir et se rafraîchir. Vitaka, le fait de viser, d'appliquer l'attention à l'objet, est donc l'antidote direct de Mida. Si on veut se débarrasser d'un objet indésirable, il faut utiliser un antidote. Vichara, le fait de toucher la cible et de s'y frotter, provoque également des ondes dans l'esprit, mais qui sont différentes de celles de Vitaka. Vichara a la nature de se frotter à l'objet. Lorsqu'on frappe un gong, il y a tout d'abord un son qui apparaît. Ce son va ensuite se mettre à voyager activement dans l'espace sous forme d'ondes. Cette image illustre la façon dont Vitaka et Vichara opèrent. On peut également donner l'exemple d'un bol de cuivre qu'on tiendrait fermement dans une main et qu'on frotterait de l'autre. Le fait de tenir fermement le bol dans une main, c'est Vitaka, et le fait de le frotter de l'autre main, c'est Vichara. Lorsque Vichara se manifeste dans l'esprit, celui-ci devient actif. En présence de ces deux facteurs, Vitaka et Vichara, l'esprit visqueux, assombri, apathique, disparaît au profit d'un esprit actif, malléable et performant. Lorsqu'on pratique la méditation, il faut s'efforcer de faire apparaître constamment en soi Vitaka et Viriya, l'énergie qui propulse l'esprit vers l'objet. Il faudra constamment diriger l'esprit de façon concentrée vers l'objet pour qu'il s'aligne à l'objet. L'objet et l'esprit doivent coïncider. Ceci est très important et indispensable dans la pratique de la méditation. Si on ne réussit pas à diriger l'esprit vers l'objet parce qu'on est paresseux, il ne sera pas en mesure d'atteindre la cible, de la toucher et de s'y frotter. Mais il est possible également qu'on fasse preuve de trop d'énergie, que l'effort soit excessif. Ceci aura pour effet que la cible sera dépassée. Il y a donc deux possibilités, soit on dépasse la cible par excès d'énergie, soit on ne l'atteint pas par manque d'énergie. Il faudra donc doser correctement l'énergie, comme si l'on devait trouver la bonne longueur d'onde sur une radio. Voilà pourquoi il est nécessaire de disposer de Vitaka lorsqu'on note et qu'on observe les différents objets. C'est l'antidote immédiat de Tinamida. Il y a encore un autre facteur appelé Atapaviriya, l'effort ardent. C'est également un antidote de Tinamida, mais il opère autrement que Vitaka. Il fonctionne, si l'on veut, par en haut. Si on dispose de Vitaka et de Atapaviriya, on expérimentera la nature des différents objets que l'on observe. C'est le